C'est pas sans risque de raper. Mais on connaît le topo. Impossible d'échapper à la marche du troupeau. De leurs piédestals préjugés y mettent tout le monde en bocaux. Donc mettons leurs sales préjugés en miettes, en poudre, en copeaux. Il s'agit pas, c'est justifié. On a connu trop d'épreuves, rien ne peut nous disqualifier. On a déjà fait nos preuves. Il paraît qu'on est trop vieux, trop innocent et même trop blanc. Mais vaut mieux ça que d'être envieux, méprisant et sans talent. J'arrive quand tu t'y attendais plus, un peu comme l'imam caché. Le rap français m'a trop déçu, je viens lui redonner son cachet. Je sais qu'à Marrette t'as plu, et que sur inertie t'as flashé. Témoin c'est des coups de massue, t'es un pendu, c'était caché. Ils ont pas pu me censurer en cours, ni me censurer dans la rue. Donc avant de me faire couper court, faudra que tu gagnes en carrure, en parure, en maturité, zap et tes ratures, tes voitures, tes fourrures et tes aspects immatures. Quand on fend la foule, tu chauffes comme un falafel. Et ta chérie fait la folle, c'est normal, on fout le feu. Fais l'effort, je t'en mets plein la gueule, t'es badigeonné, la moutarde te monte au nez. Pourtant, je suis pas dijonnais, c'est pour mes doubis, mes jurassiens et mes haussonnois. Mes rap suisses, tous mes valaisans et mes lausannois. Je kick sans pression, loin de tes a priori, plus que puéril, sans faire de concessions. Ça, je l'ai appris à mes risques et périls. Le rap part en couille, et c'est pas de celle d'un Sarkozy dont il a besoin. Leur salpêtrie, ça m'arrasse, donc on ramène nos bouilles, nos douilles. Check l'étincelle, son hardcore fils, juste avec soin, comme le petit Samaras. Ton inspiration mise, hein, sur le conspirationnisme, ouais. Cherche pas de complotionniste, non. Moi je vise l'abstentionnisme, ok, pas le temps pour tes conneries. Je suis venu se matcher gravement leur putain de mensonge et leur pâle contrefaçon. Maintenant que t'as compris, et puis que je t'ai franchement bétonné la tronche, tu peux m'appeler franc-maçon. Et ouais, mon gars, on vient lâcher notre peur, notre jura, on fera ce qu'on voudra, et on sera tout ce qui nous semble bon d'être, tout ce qui nous passe par la tête. Tu vas apprendre à nous connaître, témoin c'est de la mitraillette, ça fait ratatata. Trop de dégâts pour le FSE, ratatata. Tu peux planquer tes petites fesses, cernant l'étranger, ni plus ni moins. Nique les nards, quoi. T'entends? Oui, y'a danger. Ok, et ça dit quoi? Et ça dit quoi? Hein? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit. Cernant, commence pas à me bassiner, à me taquiner, les wacks vont finir chagrinés. Tu m'as serré de près, séquestré, comme au fond d'une fourgonnette. Je sais bien que dire que j'ai pas eu le temps serait malhonnête. C'est quoi ton plan, 24 mesures? Je suis à la bourre mais je passerai pas mon tour. Et tu m'auras pas à l'usure. J'étais parti sur un ego trip stable, un délire malsain, sale type sur lexique assassin. J'aiguise mes flèches, les trempe dans le cyanure. Je guide mon car quoi, avec le panache et la tournure. Je suis pas Cupidon, je vais pas te lâcher d'histoire de Cupidon, ni Mère Teresa, même si t'as raison. Au lieu d'être un putain de rageux, je ferais bien de jouer le gentil garçon. Mais disons que quand j'écris, c'est avec une portion de dérision pour crever l'abcès, reproduire l'essai, refroidir les MC. Quand je me sens en détention, un freestyle sale sur un son à l'ancienne, une tonne de munitions sous une bille qui assène. Témoin, c'est pas seulement le truc du moment qui fait sensation, c'est une baffe dans les seins des frelons. Venez pas tester, car vos fières supercutes ne sont en réalité que des caresses superflues. Je m'interroge sur votre attitude, votre aptitude à faire monter vos vocables en altitude. J'ai flairé que vous n'êtes pas le fleuron du rap, car à peine effleuré par mon fleuret, vos flots dérapent. Témoin, on a tout vu, on était là avant le crime. Témoin, si décru comme une bombe de la crime. Et ouais, mon gars, on vient lâcher notre peura, notre jura, on fera ce qu'on voudra, et on sera tout ce qui nous semble bon d'être, tout ce qui nous passe par la tête. Tu vas apprendre à nous connaître. Témoin, c'est de la mitraillette, ça fait ratatata. Trop de dégâts pour le FSE, ratatata. Tu peux planquer tes petites fesses, cernant l'étranger, ni plus ni moins. Nique les nards, quoi. T'entends? Ouais, y'a danger. Ok, et ça dit quoi? Et ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit yeah yeah. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit témoin 1 2016 yeah. Ni plus ni moins, ni plus ni moins yeah.